Chapitre 5. Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une colline et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui, et il se mit à les enseigner en ces mots. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans la peine, car Dieu les consolera. Heureux les doux, car ils hériteront la terre que Dieu leur a promise. Heureux ceux qui ont un vif désir de vivre comme Dieu le demande, car il le leur accordera pleinement. Heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. Heureux ceux qui sont purs en leur cœur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils font ce que Dieu demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent en disant toutes sortes de calomnies contre vous parce que vous êtes mes disciples. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet que l'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il ne sert plus à rien. On ne peut que le jeter dehors, et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites, et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu pour détruire la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les détruire, mais pour leur donner leur véritable sens. Je vous le déclare, en vérité, aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail de cette loi ne seront supprimés, et cela jusqu'à la fin de toute chose. C'est pourquoi celui qui désobéit même au plus petit des commandements et enseigne aux autres à agir ainsi sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui obéit à cette loi et enseigne aux autres à agir ainsi sera grand dans le royaume des cieux. Je vous l'affirme, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux que si vous obéissez à ce que Dieu demande mieux que ne le font les maîtres de la loi et les pharisiens. Vous avez entendu qu'il a été dit à vos ancêtres, « Ne tue pas. Tout homme qui commet un meurtre sera amené devant le juge. » Mais moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère sera amené devant le juge. Celui qui dit à son frère « imbécile » sera amené devant le conseil supérieur. Celui qui lui dit « fou » mérite d'aller dans le feu de l'enfer. Si donc tu viens présenter ton offrande à Dieu à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton frère. Puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Si quelqu'un porte une accusation contre toi, et que vous allez ensemble au tribunal, hâte-toi de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes encore en chemin, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te remette à la police, et qu'on ne te jette en prison. Je te le déclare, en vérité, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit, ne commets pas d'adultère. Mais moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si donc c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'avoir ton corps tout entier jeté en enfer. Si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que d'aller en enfer avec ton corps tout entier. Il a été dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui donner une lettre de divorce. Mais moi, je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle, lui fait commettre un adultère si elle se remarie. Et celui qui se marie avec une femme renvoyée par un autre commet aussi un adultère. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, « Ne romps pas ton serment, mais accomplis ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur. » Mais moi, je vous dis de ne point faire du tout de serment. N'en faites ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est un escabeau pour ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Ne fais pas non plus de serment par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Dites simplement « oui » ou « non ». Tout ce que l'on dit en plus vient du diable. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le aussi te gifler sur la joue gauche. Si quelqu'un veut te faire un procès et te prendre ta chemise, laisse-le prendre aussi ton manteau. Si un représentant des autorités t'oblige à porter une charge sur 1 kilomètre, porte-la sur 2 kilomètres. Donne à celui qui te demande quelque chose. Ne refuse pas de prêter à celui qui veut t'emprunter. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien comme sur ceux qui agissent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire. Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est aux cieux